Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, de ma part les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde, si tu me le demandes. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandes. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandes. Je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu veux que tu sois loin de moi, nous aurons pour nous